que toi et Mio là. Ça prend pas deux. Ça fait 20 minutes que tu passes. C'est bien. Oh, c'est un bon ça. Bouge plus. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça va? Sound System Galaxy, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro, ou sur internet live.galaxyfm.com. Welcome, bon réveil, il est 8h, c'est Jérémy, on est ensemble pour 2 heures de rétro, je file au platine et on se retrouve tout à l'heure à mi-parcours de l'émission aux alentours de 11h. D'ici là, reste calé Sound System et passe d'excellents moments à l'écoute de la radio. Galaxy 95-3. We'll be right back.

English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Jérémy sur Galaxy, sur Galaxy, sur Galaxy. Right hand by Rogelio Tour.

Inspector Cluzes residence. This is Chief Inspector Cluzes speaking on the phone. Chief Inspector Cluzes speaking on the phone. la face A. Merci d'être calé, rivé, scotché, agrippé à ta radio. Fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro. On avait démarré notre émission tout à l'heure à 8h. Il est 9h et de briquettes. On continue dans la rétro-trance encore jusque 10h, notamment aux alentours de 9h50. Je vous ai retrouvé des titres rétro-trance d'il y a 4-5 ans pour les amateurs du genre. Vous profitez de notre émission sur le live.galaxyfm.com. C'est tant mieux. N'hésite pas à m'envoyer des messages sympas directement sur le site de l'émission www.soundsystem-mix.fr ou sur Facebook également. À tout à l'heure. Jérémy sur Galaxy. ever went to a club and you saw a freaky ass bitch with big titties and a big pussy and you wanted to take her home and fuck her? Jérémy sur Galaxy. Jérémy sur Galaxy. Sur Galaxy, sur Galaxy, sur Galaxy, sur Galaxy. Watty, I am.

Sound System Galaxy, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro. On avait démarré notre émission à 8h. La phase A, c'est terminé, en tout cas pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain dimanche à partir de 10h pour la phase B de l'émission. Le concept 100% interactif avec 4 nouveaux mix rétro à découvrir. Un petit clin d'œil à tous ceux qui ont profité de nos programmes sur internet tout au long de la matinée, directement en un clic sur le live.galaxyfm.com et qui m'ont envoyé des messages sympas sur Facebook, notamment Raphaël Dupuis, Sylvain Labi, Michel de la Potelière, Kevin Ostrat, Moadib, Sofia Savic, Nocil, Fano, La Dingue de Galaxy, Thomas Delbassé, Frédéric Chicorasson, Stéphane Decoq, Jérémy Isenbar et puis bien d'autres. On reste connectés ensemble tout au long de la semaine, directement en un clic www.soundsystem-mix.fr. À demain dimanche pour encore plus de rétro avec la phase B de Sound System à partir de 10h. Tout de suite, c'est Hubert, 10h midi sur Galaxy. Passe d'excellents moments à l'écoute de la radio. Sound System. Sound System. Jérémy.